François Morel, de retour en studio avec nous. On est ravis de vous retrouver. Vous existez en chair et en os. Et on vous écoute, François. Merci, Ali. Bonjour, je m'appelle Oscar et je suis un basset des Alpes. Je vis en région parisienne avec mon maître et ma maîtresse dans une maison entourée d'un joli jardin. Ça, c'est ma force, je dirais, c'est mon petit plus. C'est qu'étant comédien, si vous voulez, j'ai un gros registre qui me permet de jouer toutes sortes de personnages les plus divers. Ce matin, j'ai décidé d'interpréter le rôle d'un basset des Alpes. Bonjour, je m'appelle Oscar et je suis un basset des Alpes qui, la plupart du temps, reste dans sa jolie maison en région parisienne. Il est consterné. C'est fou la force d'évocation que je peux avoir. Je préfère prévenir les standardistes de France Inter. Je ne serais pas autrement surpris qu'ils soient submergés d'appels d'auditeurs stupéfaits qu'on puisse donner la parole à un chien à la fin du 7-9. Je préfère prévenir. Il y aura en gros deux sortes de réactions. Ceux qui diront bravo, c'est bien de laisser la parole aux animaux domestiques. On ne les entend pas assez sur le service public. Et ceux qui diront je pense qu'il y a des invités plus intéressants qu'un chien, fut-il basset des Alpes, à recevoir sur une chaîne payée par nos impôts. Par exemple, Alain Finkielkraut n'a toujours pas été invité depuis le 19 mai 2020. Bonjour, je ne suis pas Alain Finkielkraut, je m'appelle Oscar, et je voulais vous dire que j'avais passé dans ma jolie maison de la région parisienne un très bon printemps, entouré de mon maître et de ma maîtresse. En réalité, le mieux, parce que je suis en train de réfléchir, tandis que je vous parle, c'est de dire la vérité. Non, je m'adresse aux standardistes de France Inter. Je pense que c'est mieux de dénoncer le procédé, dire non, en fait, c'est pas vraiment un basset des Alpes qui parle, c'est un comédien qui joue le rôle d'un basset des Alpes. De toute façon, je pense que la plupart des auditeurs parmi les plus perspicaces auront vite découvert le poteau rose et que par ailleurs, je ne voudrais pas être à l'origine de malentendus ou de confusion mentale chez les plus crédules. Bonjour, je m'appelle Oscar et je suis un basset des Alpes. Je voulais vous dire combien je regrettais le doux temps du confinement. Toute la journée, j'avais près de moi mon maître et ma maîtresse. Toute la journée, ils prenaient le temps de s'occuper de moi. Le matin, mon maître en jogging me faisait faire une promenade. En fin de journée, ma maîtresse en tenue décontractée me faisait faire le tour du pâté de maison. Depuis le déconfinement, je reste dans ma niche et mes maîtres ne se promène plus. Ah, oh, que revienne vite le temps du confinement quand nous autres, les chiens, étions considérés. À ce moment-là, si vous voulez, j'avais prévu de faire un parallèle avec tous ceux qui, occupant des emplois jugés subalternes, sont souvent traités comme des chiens et qui auraient pu croire, pendant le confinement, que dans le monde d'après, une certaine embellie apparaîtrait et qu'ils seraient mieux considérés. Mais je me suis dit que c'était une fin qui, sans doute, avait l'avantage d'évoquer nos fabulistes les plus subtils, mais qui pouvait sembler facilement moraliste. Donc, j'ai opté pour une autre fin, une série d'aboiements à la fois d'alerte et conclusif qui permettra un vaste champ d'interprétation. Merci François Morel et bon courage aux standardistes d'Inter. Faites-le piquer. Mais non, surtout pas, on a besoin de lui.